vous parlez de cette valise? Doucement, monsieur Ferguson. Vous ne savez pas la valeur qu'il contient. Déposez-le par terre. J'ose espérer que vous aurez le sens du partage. On s'est mouillés tous les deux dans cette affaire. En effet, on est deux dans cette affaire. Je l'aborde avec stylish, j'arrive pour étaler. Oui, tocard, je kick trop grave. Les mythos traces, dit aux traces qu'on donne tout stallé. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Les 16 montants gratte pas l'aristocrate. Il faut payer le tarif sans pictogramme. L'avenir fait pas lire, sera aussi efficace qu'MC qui sait pas lire. Loin d'être en vogue de la vie thug. Les coqs t'en font le portrait à la Van Gogh. Vraiment, il est temps que t'arrêtes, ils sont tous en fit avec. Quand t'arrêtes, arrêtez nos balles, c'est pas avec une ceinture noire de yoga. Dans nos échanges, trop de fois on se trompe dans un système où le chacun pour soi domine. Se donner devient une utopie. Pourquoi partager si l'autre non? À nos fils, on veut offrir un autre monde bloqué par Adopi. Échanger peut apporter une peine pénale, on fait le bilan. On nous prend tant qu'on plante tout sous le matelas. Mais on n'emmène rien le jour où on se barre de là. Avec le temps, plus rien ne compte, on devient avare de smile. Voici le son du partage, prends le droit dans nos affaires. Tu partages notre goût du partage, tu sais ce qu'il te reste à faire. Voilà l'art et la manière, c'est la croix et la bannière. Tu veux te faire entendre, franchis les douanes et les barrières. Partage, remis X, on restera ensemble. Parti, remis X, téméraire c'est dans le sang. Que Stra, Vinci Street, NZZ, Itaï et Mike. Crazy Zerk, KDSI, Jan Janit, Smoke et NCK. Le sens du partage, je l'ai, moi je suis comme Swift, Gavi, Gea. La cargaison, Carlifi, son la dalle. Apparemment je paiera des phases barges, des fat lines, du rap rage, des rap clash. Mes gardes donc je me rattrape, un saut mort à 3. Ça joue au millimètre, mais crois-moi, l'inverse sur scène je partage. Sans rien attendre en retour à part. Peut-être que la foule m'acclame à tes téméraires, ça va de soi. On partage, c'est le carnage, t'inquiète pas, je vais pas de carnage. Je vais le faire pour ton karma. Écoute quand je parle à Mescarla, la smala est topée. Clin d'œil de KL2P. NCK, la qualité, l'idée de développer une armée qui va vous alarmer. Elle est formée pour s'affirmer, pour informer qu'on peut faire mieux. Chacun s'affirme, alors tu peux la fermer. Enfermé dans une putain de réalité. Si ça check la F-photo, c'est pour l'unité. Voici le son du partage, prends le droit dans nos affaires. Tu partages notre goût du partage, tu sais ce qu'il te reste à faire. Voilà l'art et la manière, c'est la croix et la bannière. Tu veux te faire entendre, franchis les douanes et les barrières. Partage, remis X, on restera ensemble. Parti, remis X, téméraire c'est dans le sang. Que Stra, Vinci Street, NZZ, Itaï et Mike. Crazy Zerk, KDSI, Jan Janit, Smoke et NCK. Entre tristesse et réalité, la déviance est un sacré coup de fouet. Rien à foutre, je bouffe la vie comme un casse-croûte. Je fais ma vie loin des doutes, arrêtez de me parler de coup de foudre. La haine a pour but de tous pouvoir nous recoudre. Amélie, une borne de notre passivité. Certains sont encore là, positivés. Mon monde est un cinéma sans acteur. Un bouquet de fleurs sans pétales. Je ne vois que des pédales qui pédalent pour obtenir le Graal. On a l'âge faire à la nage des mères d'épreuves et de leçons. Tu partages mon goût du partage, tu sais quoi faire de son. Où sont mes acolytes, mes assos, mes alcooliques, muchachos? Mets ta chronique dans ma sauce, mon patronyme en place d'autres. Oh, opération, manigance et faux concept. Dis-moi c'est quand qu'on cède, c'est quand qu'on fout le feu en concert. J'suis qu'un écolier de la remake, mon cartable est plein. Quand on s'égare, on est qu'un, tu me connais, j'suis qu'un connard en déclin. Voici le son du partage, prends le droit dans nos affaires. Tu partages notre goût du partage, tu sais ce qu'il te reste à faire. Voilà l'art et la manière, c'est la croix et la bannière. Tu veux te faire entendre, franchis les douanes et les barrières. Partage, remis X, on restera ensemble. Parti, remis X, téméraire c'est dans le sang. Que Stra, Vinci Street, NZZ, Itaï et Mike. Crazy Zerk, KDSI, Jan Janit, Smoke et NCK. Encore plus côté que chat bootmaker, des fois le doute maker. Je dompe mes peurs, je partage des baffes avec la main sur le cœur. Mais c'est bien quand tu reçois, la confiance est rare quand tu la revois. Tous dans le même navire, avant j'ai fini par mettre les voiles. Ici, la modestie c'est en moi la main, on déchire le bras. Je peux pas me les encadrer, même si on était sur la même toile. Un squal dans le bocal, tellement l'espérance a pris l'eau. Parler par derrière, ok, mais la branche est à bon dos. Jette la force du partage, ma partage. On s'attache, on fonce téméraire, la rage à l'arrache. Ne marche plus tes mots pour des rages dedans. Rentre dedans, collectif 3 devant. Avant j'étais perso, souvent décevant. Dorénavant on fait des passes et chacun se contrôle. Une équipe, chacun son rôle, triste ou drôle. On s'envoie les piques. Combattons l'individualiste, le capitaliste. Partage la zik, qu'importe qui, quel âge. Ensemble on fabrique un art magique. Écoute le partage sans même le mettre en place. M'installe dans téméraire pour un nouveau départ. On est nombreux, ambitieux et forcément brillants. Chantant dans un chromis jusqu'au soleil couchant. Touchant son ovaire, notre style est sanglant, flingant. Les instrus on n'a jamais fait semblant, sanguant. On t'étouffera avec notre musique. Le partage sera de mise et téméraire le collectif. Voici le son du partage, prends le droit dans nos affaires. Tu partages notre goût du partage, tu sais ce qu'il te reste à faire. Voilà l'art et la manière, c'est la croix et la bannière. Tu veux te faire entendre, franchis les douanes et les barrières. Partage, remis X, on restera ensemble. Partage. parti, remis is, téméraire c'est dans le sang. Que Stra, Vinci, Street, NZZ, Itaï et Mike, Crazy Zerg, KDSI, Jan Janit, Smoke et NCK.